Je suis sur une autoroute comportant trois voies. Les poids lourds n'ont pas le droit d'utiliser la voie la plus à gauche. Et leur vitesse maximale sur autoroute est fixée à 90 km/h. Donc, dans cette situation, je peux dépasser les deux camions, que je roule à 90 ou à 130 km/h. À condition, bien sûr, que personne ne soit sur le point de me dépasser. Rappelez-vous que, dans la voie la plus à gauche, il est obligatoire de circuler à 80 km/h minimum. Réponse A et C.